الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نشهد هممنا للاقتداء والتأسي به، لأن خير الدنيا والآخرة معلق باتباعه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ونتأمل قول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال: وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد. فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل، وأفسدهم عقولا المعرض عنهم وعما جاء به. ولهذا كان أهل السنة والحديث أعقل الأمة، وهم في الطوائف كالصحابة في الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. Nous continuons donc notre rappel des droits du messager عليه الصلاة والسلام pour exciter nos ambitions à le suivre, car le fait de le prendre comme modèle et de le suivre, c'est la source du bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Comme il dit les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Sawa'iq al-Mursala, il a dit rahmatullah alayh: plus l'homme éloigne du messager, sa raison sera diminuée et mauvaise. Sa raison sera diminuée et mauvaise. Les hommes qui ont des raisons complètes, ce sont les suiveurs des messagers alayhi salatu wassalam. Et ceux qui ont des mauvaises raisons, ce sont ceux qui donnent le dos aux messagers et à ce qu'ils ont, aux messagers alayhi salatu wassalam, et à ce qu'ils ont transmis. C'est pour ça que les gens de la sunna et du hadith sont les plus doués de raison, ce sont les plus doués de raison saine, et ils sont au milieu des sectes comme les compagnons au milieu des gens. Fin des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et ces paroles sont véridiques, car il est dit dans Surat al-Kawthar: Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui se détourne de toi et de ton rappel, c'est lui qui est privé du plus grand bien. Fa ma'a al-haqq al-thalith min huquqihi alayhi salatu wassalam fi hadhihi al-jalasat. وهو أن من واجب الأمة أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في كل ما أمر صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لأمور كثيرة، ومنها أن الله أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى رضوان الله والجنة. قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: لأن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى إلى كل خير والنجاة من كل شر. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وفي مخالفة الضلال والهلاك والدمار والفتن. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا تحذير من رب العزة سبحانه وتعالى عن مخالفة أمر واحد من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتأمل كم من المخالفات يقع فيها كثير من المسلمين ونقع فيها، فكيف يمكن لنا أن نحرر القدس والكثير منا لم يتحرر من قبضة الهوى والشيطان؟ فربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يمكن هذا إلا بإخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله: ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم. فهنا الله سبحانه وتعالى parmi les droits du prophète عليه الصلاة والسلام, ici le troisième droit cité durant nos assises, c'est il est obligatoire à la communauté musulmane de suivre et d'obéir à ce message عليه الصلاة والسلام. Donc tout ce qu'il a ordonné, il est obligatoire à la communauté de lui obéir. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir à ce message alayhi salatu wa salam. Il est dit dans le verset: ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez le message qu'il est chargé de vous délivrer. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, nous dit cela: ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Et remarque bien ici, dans le verset, il a répété le verbe obéissez deux fois. En ce qui concerne l'obéissance à Allah et en ce qui concerne l'obéissance aux messagers, alayhi salatu wassalam. Mais quand il est venu à ceux qui gouvernent, qui sont deux catégories, qui sont les hommes de science, qui sont les gouverneurs, ou les muftis, les juges, et ainsi de suite, il n'a pas répété le verbe. Parce que leur obéissance doit être dans l'obéissance d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. S'ils ordonnent quelque chose qui est en divergence avec les ordres d'Allah et de son messager, il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit obéir à ce messager alayhi salatu wassalam, car le messager sallallahu alayhi wa sallam appelle sa communauté à la voie droite, cette voie qui va les ramener vers la satisfaction d'Allah, vers les grands délices et vers le paradis. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: en vérité, tu les appelles à une voie droite. Et dans l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam, il y a la guidée et le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Dans la traduction approximative du sens du verset qui prouve cela: si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et dans la divergence avec le messager, sallallahu alayhi wassalam, il y a la perte, et il y a l'égarement, et il y a le châtiment, et il y a les troubles, il y a la destruction, etc. Comme cela est bien stipulé dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset qui nous dit que ceux qui transgressent un de ces ordres, un, prennent garde car ils pourraient subir une terrible épreuve ou un douloureux châtiment. Méditez ce verset bien comme il se doit et méditez cet avertissement qu'il contient contre le fait de diverger avec un seul ordre du messager alayhi salatu wassalam. Et qu'on observe dans combien de divergences on est avec le messager alayhi salatu wassalam. Et combien beaucoup de gens baignent dans beaucoup de divergences avec le messager alayhi salatu wassalam, sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Comment dans ces cas-là espérer pouvoir arriver à libérer Jérusalem, alors que beaucoup parmi nous ne sont pas libérés de leur propre passion et des tentations et de l'emprise du shaitan? Regardez comment notre jeunesse imite ce que notre messager nous a interdit d'imiter. Regardez, hein, la situation est devant vous. Alors qu'il est stipulé dans la traduction approximative du sens du verset, ou vous qui croyez, si vous faites triompher la religion d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Le triomphe de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise avec la sincérité, l'accomplissement de la religion sincèrement pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam, et non avec le foot, et non avec l'imitation des non-musulmans, et non avec le libertinage ou la liberté d'expression et autres. Hein, un riz qu'on entend dans notre époque, à notre époque. Et il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, concernant ceux qui désobéissent son messager, alayhi salam, quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est clairement égaré. Donc, la guidée, il est dans le fait de suivre le messager, alayhi salam. Muslim, rahimahullah, rapporte que Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, ce dîn, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi parmi ceux qu'il faut qu'on suive, a dit, si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. Hein? Et qu'on voit combien sa parole est véridique. Regardez l'égarement dans lequel vivent beaucoup de gens, dont l'esprit a été anesthésié par les légendes à dormir debout, et par des croyances en des choses, hein, que la raison humaine, s'ils faisaient juste marcher leur raison, hein, ils ne croiraient pas à ce genre d'ânerie et à ce genre de légende. Mais ils sont anesthésiés complètement. Leur pensée, Shaitan s'est accaparé d'eux. كذلك في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا وجب أن نطيعه دخول الجنة قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الإمام البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي معصيته عليه الصلاة والسلام النار قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وها هم أهل النار يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم يندمون على ماذا؟ على عدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ولكن هل ينفع هذا الحزن الآن وهذا الندم؟ خلاص انتهى الأمر كذلك في طاعته صلى الله عليه وسلم الفوز بسعادة الدنيا وبسعادة الآخرة Et aussi, pourquoi on doit obéir à notre messager, alayhi salatu wassalam? Car dans l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'entrée au paradis. C'est le chemin qui mène vers le paradis. Il n'y en a pas d'autre. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera entrer dans des jardins sur lesquels coulent des rivières, où il demeurera pour l'éternité. » Voilà la réussite suprême. Et dans le hadith rapporté par Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, le messager d'Allah a dit, « Toute ma communauté rentrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. » On lui dit, qui le refusera au messager d'Allah? Il a dit, celui qui m'oublie entrera au paradis, et celui qui me désobéit l'a refusé. Hein? Et dans la désobéissance au messager, alayhi salatu wassalam, il y a l'enfer. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses lois, Allah le fera entrer on a un feu où il demeurera éternellement et subira un châtiment avilissant. Et dans l'au-delà, les gens de l'enfer vont regretter leur désobéissance au messager alayhi salatu wassalam. Ils vont regretter de n'avoir pas suivi ce messager alayhi salatu wassalam. Mais dans le de l'akhlas, c'est terminé, le regret ne sert plus à rien. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Le jour où leurs visages seront tournés de tous côtés dans le feu, ils diront, hélas, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. Mais c'est fini. Le regret ne sert plus à rien. Dans l'obéissance au messager, alayhi salatu wassalam, il y a le bonheur et la félicité dans les deux mondes. فَفِي طَاعَتِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قال سبحانه وتعالى إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ولا يخفى على من تأمل نصوص الكتاب والسنة يجد هذا الأصل ظاهرا بين عينيه ألا وهو أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله هو الأصل في كل ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير لقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق نبوته يستلزم العمل بما جاء عنه وبما جاء به عليه الصلاة والسلام وهذه ركيزة من ركائز الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعني القيادة والتسليم له عليه الصلاة والسلام نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول قول الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا والأدلة على وجوب طاعته من سنته كثيرة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال عند مسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وقال من توضأ مثل وضوء هذا وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى كأنهم قالوا هذا أمر لا يعقل كيف يعقل أن إنسانا يرفض دخول الجنة ويأبى دخول الجنة فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من الله سبحانه وتعالى دون L'obéissance au messager alayhi salatu wassalam, il y a le bonheur et la félicité des deux mondes. Dans la traduction approximative du sens du verset qui prouve cela, il est dit « La seule réponse des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager, pour que ce dernier juge entre eux, est de dire « Nous avons entendu et nous obéissons. » Ce sont eux les bienheureux. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager et qui craignent Allah et le redoutent sont ceux qui récoltent le succès ici-bas et dans le-delà. Et tout soumis à Allah subhanahu wa ta'ala qui médite le Coran comme il se doit et qui médite la sunna du prophète alayhi salatu wassalam trouvera clairement ce fondement qui lui impose de prendre le messager comme modèle et de lui obéir et de le suivre dans ses paroles, dans ses actes, dans ses croyances. dans ce qu'il a confirmé parmi les actes des nobles compagnons d'Allah alayhim. Et ceci est un fondement qui concerne tout ce qui nous a été confirmé de notre message alayhi salam. Tout ce qui vient du messager alayhi salatu wassalam, on doit le suivre, que ce soit au niveau des paroles ou des actes, ou des confirmations, des actes qu'il a confirmés des nobles compagnons radhiyallahu anhum. Et nous avons le verset dans la traduction approximative qui nous stipule cela clairement. Vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Donc, la foi en le messager alayhi salam et l'attestation de sa véracité et de la véracité de son message implique la mise en œuvre de ce qu'il a transmis. Et ça, c'est un pilier de la foi. Et on la croyance en le prophète alayhi salam. Et cela signifie qu'il faut se soumettre à lui et lui obéir et le prendre comme modèle et le suivre. Cheikh l'Islam, rahimahullah, rapporte dans son livre Sarim al-Masloul, un livre qu'il a écrit contre ceux qui insultent le messager alayhi salam. Il a dit la parole, il a cité la parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, qui dit: j'ai trouvé dans 33 endroits du Coran l'obligation de l'obéissance au messager alayhi salatu wassalam. Dans 33 endroits dans le Coran. Donc nos actes doivent et nos paroles doivent être conformes à sa sunna alayhi salatu wassalam. Méditer ces hadiths authentiques. Priez comme vous m'avez vu prier. Hein? Pas prier comme vous, cheikh, il prie. Si le cheikh, il accomplit pas la prière du prophète, je dois le suivre. Ah ben, celui qui fait le dos comme je l'ai fait. Hein? Hada Uthman ibn Affan, on lui a demandé de leur apprendre le dos du prophète. Il leur a demandé de l'eau. Et quand il a terminé son dos, il a dit, hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait le dos comme je l'ai fait. Hein? Et il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam: prenez de moi vos rites de pèlerinage. Et auparavant, j'ai cité le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu arda, où il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam: toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui le refusent. Et regardez comment les compagnons ont été étonnés. Et on posait cette question. Et qui le refusera? Il est impensable que quelqu'un refuse le fait d'être dans l'éternité des délices et dans la satisfaction d'Allah. Qui le refusera, ô messager d'Allah? Hein? Et le messager a balayé leur étonnement en disant: celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit l'a refusé. ومن حقوقه كذلك على أمته أن يستجيبوا له إذا دعاهم لما يحييهم. لماذا؟ لأن الله أمر بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ولان في الاستجابه لله ورسوله الجنه. قال سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لربهم لهم الحسنى. والحسنى فسر السلف بالجنه. وكذلك لان الرسول احرص على المسلمين من أنفسهم. قال سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فكان واجبا علينا أن نستجيب لدعوته. قال سبحانه وتعالى في وصفه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى وجب علينا أن ندعو هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا أردنا أن نكون على الصراط المستقيم وأن نثبت عليه، ها، يجب علينا أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc parmi les droits du messager عليه الصلاة والسلام sur sa communauté, c'est de répondre à son appel عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Car c'est là où il y a la réelle vie. La réelle vie est dans le fait de répondre à l'appel du messager alayhi salatu wassalam. Et pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Écoute le verset où il dit, dans la traduction approximative du sens du verset: ou vous qui croyez, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous fera vivre pleinement. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui seul que vous serez rassemblés. Regarde, il les a appelés par le plus noble, la plus noble description qui est la foi. Ô vous qui avez cru. Ya ayyuhalladhina amanu. Et regarde ce qu'il a dit, hein, quand il vous appelle vers ce qui va faire réellement votre vie, pleinement votre vie, la bonne vie. Il est dans quoi? Il est dans la soumission à Allah, et dans la soumission au messager alayhi salatu wassalam, et dans le fait de le obéir. Dans le fait de répondre à Allah, à l'appel d'Allah et à son messager alayhi salatu wassalam, il y a le paradis. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset: à ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur et promisent la plus belle des... plus belle récompense, le paradis. Le husna dans le verset ici a été expliqué par Salaf par le paradis. Pourquoi on doit répondre à l'appel d'Allah et de son messager, hein? Et répondre à l'appel du messager alayhi salatu wassalam? Car le messager alayhi salatu wassalam tient plus à notre salut que nous-mêmes. Le verset, il est clair dans la traduction approximative du sens du verset. Il est dit: voilà que vous est venu un messager issu de vous, à la fois sensible à ce que vous subissez comme difficulté, soucieux de votre salut et bienveillant, miséricordieux envers les croyants. Il tient plus à notre salut que nous-mêmes. Le messager alayhi salatu wassalam appelle la communauté au bonheur des deux demeures, comme cela est bien cité dans ce verset dont la traduction approximative nous dit cela: ô prophète, nous t'avons envoyé pour témoigner, annoncer, avertir et pour rappeler vers Allah par l'ordre d'Allah, tel un flambeau étincelant, annonce aux croyants qu'Allah leur réserve une grâce immense. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative, il nous dit cela: en vérité, tu les appelles à une voie droite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoire de faire ce dua constamment dans nos prières, qu'il soit surrogatoire ou obligatoire. Guide-nous sur la voie droite. Et donc, si on veut être sur cette voie droite, nous devons nous soumettre à son messager, alayhi salatu wassalam, bien sûr, sa sunna, et à mettre en application ce qu'il nous a ordonné, et de le prendre comme modèle, pour être sûr d'être sur ses doigts droits. وَمِنْ حَقِّهِ كَذَلِكَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُكْتِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمِنَ السَّلَامِ عَلَيْهِ استِجَابَةً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة أكثرهم علي صلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب والحديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا الحديث في صحيح الجامع، أما الذي قبله فهو في صحيح الترغيب والترهيب. وهذا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمة الله عليه، ورواه كذلك الإمام أحمد. وتأملوا أئمة الإسلام وننظر إلى عصرنا. الشيخ آدم اليوتيوبي رحمه الله كم من كتاب السنة شرح، كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، عندما شرح صحيح مسلم، عندما شرح تحفة الأحوادي، عندما شرح سنن النسائي، وهلم جرى. وتأمل الشيخ العلامة عبد الحسين العباد مر على كتب كل السنن، البخاري، مسلم، السنن الأربع، الموطأ، بلوغ المرام، كم مرة في حياته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كم له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. متعه الله بالصحة والعافية، ورحم الله الشيخ عالم مكة كما كان يقول الإمام ربيع، يقول عن الشيخ آدم: هذا عالمكم يا أهل مكة، رحمة الله عليه. Et parmi les droits du messager alayhi salatu wassalam sur sa communauté, c'est qu'il lui fasse beaucoup, qu'il fasse la prière sur lui et qu'il le salue beaucoup. La prière qui est le dua, c'est-à-dire, car Allah a ordonné cela, a ordonné de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam et de le saluer. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: Allah et ses anges font les éloges du prophète, ou vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. C'est un ordre d'Allah. La salat en langue arabe signifie dua. Donc la salat d'Allah pour le messager, c'est les éloges d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans l'assemblée céleste. Et la salat des anges pour le messager, ils invoquent Allah pour lui, ils demandent le pardon d'Allah pour lui. Quant à la salat des croyants pour le messager d'Allah, c'est le fait d'invoquer Allah pour qu'il l'élève, qu'il élève son évocation et lui fasse des éloges auprès des anges. Dans le hadith chez l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Et dans le hadith, dans Sahih Targhib wa Tarhib chez Tirmidhi, le messager d'Allah a dit: les hommes les plus en droit de se réclamer de moi le jour de la résurrection sont ceux qui ont fait beaucoup de dua sur, pour moi, qui ont fait beaucoup de salat sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi la parole du messager alayhi salatu wassalam, et celle-là doit attirer notre attention, nous devons faire très attention à ne pas avoir ce défaut. Il a dit alayhi salatu wassalam: l'avare, le hadith il est authentique chez dans Sahih al-Jami', l'avare c'est celui devant lequel je suis cité et ne me fait pas de dua. Donc il ne faut pas tomber dans cette situation et être avare, parce qu'en plus en étant avare on fait du mal qu'à nous-mêmes, on se prive de grandes récompenses. Donc nous devons ne pas être insouciant et ne pas être et éviter d'être avare quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est cité devant nous. Il faut qu'on rate pas les mérites du dua et des salutations de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Méditez maintenant la situation des hommes de science. Méditez la situation de nos pieux prédécesseurs. Mais qu'on voit nos contemporains. Hada, celui que Imam Rabi' appelait, comme il disait aux gens de la Mecque, ô gens de ma... voici votre savon, ô gens de la Mecque, ô habitants de la Mecque, Mohamed l'Éthiopie, c'est votre savon. Essayez d'imaginer combien de fois cet homme a prononcé le nom du prophète, combien de fois il faisait des prières sur le prophète, alayhi salam, en faisant l'explication de Sahih Muslim, en faisant l'explication de Sahih Nasa'i, en faisant l'explication de Tuhfat al-Ahwadi, d'autres livres de la Sunna. Et imaginez aussi le savon de Médine, et l'homme du Hadith de Médine, qui est Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Il est passé sur les quatre recueils de la Sunna, plus Sahih al-Bukhari, plus Sahih Muslim, plus Bulugh al-Maram, et j'en passe. Combien de fois ces hommes prononçaient le nom du prophète par jour, et combien de fois ils faisaient la prière sur lui. Regardez comment ils vont être proches, Inch'Allah, du prophète, puisque le prophète a dit, ceux qui vont être proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront fait beaucoup de prières. C'est pour ça, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas se priver de ce grand bien. ومن حق الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك على أمتي أن يتأسوا به في كل شيء استجابة لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لماذا نتأسى به لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذه الأسوة من اختارها لنا؟ اختارها لنا رب العزة سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصلحتنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن هنا يتبين لك أن البعض فقد عقله ولا ندري أين دبت عقولهم عندما يأخذون أسوة في رجال كل يوم عندهم رأي وكل يوم تتغير آراؤهم أو يأخذون أسوتهم في لاعب الكرة أو في من المغنين أو من الفنانين أو ما إلى ذلك فهؤلاء ذهبت عقولهم وهؤلاء كما قال الشقير رحمه الله تعالى هل هناك من سوق تباع فيه العقول فنشتري عقولا لهؤلاء ولكن العقل منة من الله سبحانه وتعالى يكرم به من يشاء سبحانه وتعالى لماذا يجب علينا أن نتأسى به لأنه أفضل البشر على الإطلاق قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم أنا سيد ولد آدم ولا فخر لماذا علينا أن نتأسى به لأنه على خلق عظيم كما قال رب العزة سبحانه وتعالى في وصفه وإنك لعلى خلق عظيم فمن واجبنا وواجب كل المسلمين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته في أخلاقه في عبادته في كرمه في شجاعته في حجه في صيامه في كل شيء في جهاده عليه الصلاة والسلام Et parmi les droits de notre messager alayhi salatu wassalam sur la communauté, c'est qu'ils doivent le prendre comme modèle à tous les niveaux. Pourquoi ? Pour être en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens nous dit cela. Vous avez eu en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Et mentionne fréquemment Allah. Son modèle, à l'islam, c'est Allah qui l'a choisi pour nous. Notre Créateur, c'est mieux que nous où se trouve notre intérêt et notre bien. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, comment le Créateur ignorerait-il ce qu'il a créé, alors qu'il est celui qui connaît les choses les plus subtiles. Partant de là, on peut se demander où sont parties les raisons de ceux qui ont pris des individus comme modèle, qui chaque jour, ils ont une opinion différente, hein, qui changent selon les intérêts, qui changent leur position et leur, hein, et leurs opinions selon les intérêts du moment, selon les intérêts du parti, selon les intérêts de la secte, selon les intérêts personnels. Et on comprend aussi la stupidité de tous ceux qui ont pris comme modèle certains sportifs, footballeurs, mécréants ou autres, ou ceux qui prennent comme modèle certains acteurs, certains chanteurs, certains débauchés, hein, alors qu'Allah a choisi pour l'humanité, pour le djinn et pour les humains, un homme qu'il a décrit ainsi. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit de ce messager, alayhi salam, il ne prononce rien sous l'emprise de ses passions. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Donc il est obligatoire de le prendre comme modèle. Car c'est le meilleur être humain, donc l'absolu, c'est le meilleur des êtres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, par Tirmidhi, par Ibn Majah, le messager d'Allah a dit, je suis le meilleur descendant d'Adam et il n'y a aucune fierté à avoir. Hein? Et regardez la modestie de notre messager alayhi salatu wassalam. Et on doit le prendre comme modèle parce qu'il est doté du plus noble comportement qui existe. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans cette traduction approximative du sens du verset. Tu es en vérité doté du comportement le plus éminent. Partant de là, les musulmans doivent le prendre comme modèle dans ses croyances, dans ses adorations, dans son comportement, dans sa générosité, dans son combat sur le sentier d'Allah, dans sa da'wa et dans tous les domaines. ومن حقوقه كذلك على أمتي أن يرضوا بحكمه إذا تحاكموا إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته استجابة لقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى ومتع به في محاضرته عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية قال وهذه هي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب على الخلق جميعا اتباع شريعته ولزوم سنته وتحكيمها والرضا بها والتسليم لها ولا يجد المرء في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما فلا خير إلا وذل الأمة عليه ولا شر إلا وحذر الأمة منه وقال حفظه الله فلا بد أن تعلم يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بمصلحتك من نفسك ووالدك والناس أجمعين وأنه يحب الخير لك أكثر من حبك الخير لنفسك انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية لماذا يجب علينا أن نحكمه في كل أمورنا وبعد وفاته أن نحكم سنته في كل أمورنا لقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا خيار لنا ها؟ ولقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الشيخ الفوزان عند هذه الآية في محاضرته فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: وما آتاكم الرسول يشمل كل ما أمر به الرسول أمته من الأوامر والإرشادات، وكذلك ما أعطاكم من الأموال، فهذا عام لكل ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتقبلوه وأن يأخذوه رغبة ومحبة، لأن فيه الخير، فيه الخير وفيه الصلاح للقلوب، وفيه الصلاح للقلوب والأبدان والأعمال. وما نهاكم عنه فانتهوا عن ما أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بتركه فاتركوه، لأنه لا ينهى عن شيء إلا وفيه الضرر وفيه الشر. ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيه الخير للناس، وإن قدر أن فيه شيئا من الخير فإن فيه من الضرر ما هو أرجح وأبلغ مما فيه من الخير. فالذي ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إما شر محض لا خير فيه، وإما شر راجح. وقال ما قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نأتي منه ما نستطيع، أما الذي لا نستطيعه فالله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلام الإمام الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به. Et parmi ces droits aussi, c'est que les musulmans doivent accepter ces jugements et s'y soumettre sans gêne lors de sa vie, accepter son jugement et se soumettre au jugement de sa sunna après sa mort. Sans gêne, sans trouver à rien dire, hein, quand le jugement de la sunna il arrive, qu'il soit pour nous ou contre nous, nous devons nous soumettre. Pourquoi ? Pour être conforme au verset, pour être conforme à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction nous dit cela: par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et s'y soumettre complètement. Hein? Bah, méditez le verset. Il faut ramener les différents vers le prophète alayhi salam pour qu'il les juge durant sa vie, et on les ramène vers sa sunna après sa mort, et accepter le jugement et s'y soumettre en apparence et dans notre fort intérieur, une soumission totale, d'une manière totale, sans aucune objection ou résistance aux contestations. Abadan. Notre noble cheikh Abdallah al-Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et allonge sa vie dans son obéissance, a dit dans sa conférence concernant le droit du prophète alayhi salam, quand il a récité ce verset dans cette conférence, hein, il a dit: ça c'est la hijra vers le messager d'Allah. Il est obligatoire à toutes les créatures de suivre sa législation et de se cramponner à sa sunna, et de le prendre et de la prendre comme juge, et l'accepter et s'y soumettre sans aucune gêne ni résistance. Et il a dit, Hafidahullah, il n'y a aucun bien que le messager n'a pas annoncé à sa communauté, et il n'y a aucun mal duquel il ne l'a pas averti. Et il a dit, Hafidahullah, il est obligatoire que tu saches, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît mieux que toi, que tes parents et tous les gens où se trouve ton intérêt. Et il aime le bien pour toi plus que toi-même. Fin des citations des paroles de Cheikh Abdallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc, nous devons nous soumettre au jugement du messager alayhi salam. Pourquoi ? L'autre verset qui est là, dont la traduction approximative nous dit cela: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est clairement égaré. Donc nous devons accepter son jugement, alayhi salatu salam. Car cela est stipulé encore dans l'autre verset, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ce que le messager vous donne, prenez. Prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Préservez les droits d'Allah, car la punition d'Allah est dure. L'imam al-Fawzan, hafidahullah, et que Allah subhanahu wa ta'ala annonce sa vidéo de son obéissance, a dit dans sa conférence intitulée qu'il fasse attention à ceux qui divergent avec un des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce verset, hein, ce que le messager vous donne, tout ce que le messager a ordonné à sa communauté comme ordre. Il a dit tout ce que le messager a ordonné à sa communauté comme ordre et orientation, et tout ce qu'il leur a ordonné comme argent. Il a dit le verset englobe tout ça, et englobe tout ce que le messager a donné à sa communauté. Ils doivent l'accepter et le prendre par envie et par amour, car dans ce qu'il a donné et ordonné, il y a le bien et la réforme des cœurs, et la réforme des corps, et la réforme des œuvres. Et ce que le messager a interdit, ils doivent s'abstenir et le délaisser, car dans tout ce qu'il a interdit, il y a le mal. Le messager n'a jamais interdit quelque chose dans laquelle il y a le bien. Et s'il y avait un bien dans ce qu'il a interdit, c'est que son mal est prépondérant et plus fort que le bien qu'il contient. Ce qu'interdit le messager, soit c'est un mal pur dans lequel il n'y a aucun bien, soit c'est un mal prépondérant dans la chose qu'il a interdit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je vous interdis, abstenez-vous, abstenez-vous-en, et ce que je vous ordonne, faites ce que vous pouvez. Donc, il dit, habidallah, ce qu'il nous a ordonné, on fait ce qu'on peut, quant à ce que nous ne pouvons pas. Le verset, dans la traduction approximative, nous dit cela, Allah n'impose à personne. Allah n'impose à personne que ce dont il est capable. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance. Et on arrête là, inshallah, pour ce soir. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا.